chapitre 17e, où l'on présente Madame Leroy. Un sentiment profond se dessine d'ordinaire par la nécessité où l'on se retrouve de s'entretenir à tout propos de la personne aimée. Delmont n'échappa pas à la règle générale. Il était un tantinet piqué par ce que l'instituteur lui avait confié sur Mademoiselle Alix, et désirait s'informer plus avant sur cet étrange caractère. Il se proposait, par surcroît, de s'assurer du lieu exact où elle réveillonnerait et d'un moyen de l'y rejoindre. Le fait d'avoir été à la même école que M. Limoz ne constituait évidemment pas un titre suffisant pour être invité. Il fallait trouver autre chose, mais quoi? Les circonstances avaient accru sa confiance en la destinée, et comme l'effort, il se trouvait être foncièrement optimiste. Ce fut donc, dans cette heureuse disposition d'esprit et d'âme, qu'il se décida à sonner à la porte de Madame Leroy. Elle vint elle-même lui ouvrir. Et à l'aspect de cette personne qui touchait à la cinquantaine, il s'en voulut un peu d'avoir préjugé en mal sur son compte. Elle n'avait rien de ridicule ni de compassé, au contraire, mais un aspect des plus bienveillants, une physionomie avenante. Sa robe n'était point démodée. Elle ne portait point de mitaine, et si une paire de lunettes chevauchait son nez, leur verre rond abritait des regards très doux et d'une tendre candeur où brillait néanmoins un peu de malice de temps à autre. Elle présentait aussi ce contraste, toujours ravissant, d'un visage resté jeune, rose, presque poupin, avec une chevelure où il avait déjà abondamment neigé. Et ses boucles blanches certifiaient de l'indulgence, et la jeunesse de ses traits invitait à la confiance. Il se félicita. « Vous me connaissez un peu ? La présentation est donc à moitié faite. » Elle répondit souriante, « On n'ignore pas tout à fait ses voisins. » Elle l'avait introduit dans un salon du rez-de-chaussée où les sièges dormaient sous leur housse blanche. Elle indiquait un fauteuil. « Veuillez vous asseoir. Qu'est-ce qui me vaut, monsieur, l'honneur de votre visite ?» Delmont s'assit confortablement. Il en est des intérieurs comme des gens. Sans que l'on puisse en définir exactement le pourquoi, les uns vous sont nettement antipathiques et les autres franchement sympathiques. Or, dans cet appartement féminin, Delbon avait l'impression surprenante d'être chez lui. Il répondit donc avec une sincérité un peu naïve. « Simplement le désir de faire votre connaissance, et déjà je ne me repens pas d'avoir obéi à ce désir. » Un malicieux éclair s'alluma dans les yeux de la bonne dame. Elle songeait, vraiment, il n'y a pas d'autre motif. Mais elle ne laissa rien paraître de ses réflexions intimes et elle approuva. « Je suis heureuse, pour ma part, que vous n'ayez pas résisté à cette bonne intention, un peu tardive. La maison est modeste, mais vous y êtes le bienvenu. » L'éclair de malice réapparut dans les yeux et elle ajouta. « Et quel dommage que ma pupille ne soit pas ici. Elle vous aura mieux fait les honneurs de ce toit. Et puis la jeunesse entend toujours à merveille. » Delbon était vaguement confus. Sans doute Mademoiselle Alix, qui n'était point dissimulée, pour la raison majeure que sa conduite était limpide, n'avait rien caché à Madame Leroy de ses rencontres avec l'ingénieur. Néanmoins, ce petit émoi se dissipant assez vite, il remarqua, avec sans doute trop de spontanéité, « C'est vrai, Mademoiselle Alix est à Besançon. » Madame Leroy sourit à peine. Elle confirma. « Vous savez donc. Oh, une gentille fête de famille, où elle se réjouissait à l'avance d'assister. » Imaginez-vous qu'elle a relu avant de partir les trois messes basses de Daudet, pour, m'a-t-elle déclaré, ne pas être induite en tentation par le péché de gourmandise à l'exemple de Don Balègre, dans cette vieille église Saint-Pierre où elle pensait bien assister à la messe de minuit. Saint-Pierre, Saint-Pierre, se répétait mentalement l'ingénieur afin de s'en bien fixer le nom de la cervelle. La conversation continua, sautillante et animée, jusqu'au moment où, d'elle-même, Madame Leroy ramena le nom de Mademoiselle Alix. Puisque l'occasion s'en présente, une petite explication. Nous avons été fort surprises, autant que vous l'avez pu être, d'apprendre que Simone se trouvait désignée par votre grand-père comme son héritière éventuelle. Nos relations très agréables avec défunt Monsieur Delorme se bornaient à ce qu'on appelle du bon voisinage, et rien ne nous faisait prévoir qu'il songerait à avantager de telle façon ma pupille. Et avec un grand accent de sincérité où perçait la crainte de n'être pas crue, elle ajouta. « Vous pouvez être assuré, monsieur, que ni directement ni indirectement, nous n'avons manœuvré pour que l'on nous autorisât à espérer de tels avantages. » Avec une conviction que n'effleurait même pas l'ombre d'un léger doute, Delbon certifia. J'en suis profondément persuadé, madame. Néanmoins, madame Leroy semblait avoir à cœur de n'être pas soupçonnée du moindre calcul, et elle avança, sur un ton d'une gravité soudaine. « D'ailleurs, monsieur, quoi qu'il arrive, ma pupille refuserait d'accepter l'héritage. Sa résolution est formelle et je ne pourrais que l'y encourager si elle n'était pas inébranlable. Ou il ne faut point s'y méprendre, allez, sous des allures un peu évaporées. C'est en réalité une créature de volonté. » Delbon inclina la tête. Madame Leroy reprit. « De volonté et d'un sain et solide sens moral. J'en ai d'autres preuves. » Il était difficile à Delbon d'en demander l'exposition. Cependant, il la désirait. Rien de ce qu'il éclairait sur les sentiments de Simone lui était indifférent. Il dut le laisser percevoir probablement à son insu. Un autre exemple vous fera saisir sur le vif ce qu'elle peut avoir de déconcertant quelquefois, poursuivit Madame Leroy, exauçant sa secrète pensée. De déconcertant, certes oui, appuya le jeune ingénieur. La directrice de la pension se garda bien de relever l'interruption qui l'amusait et continua. Cet héritage aura procuré à Simone au moins une sévère gronderie. Est-ce qu'à son voyage à Paris, elle ne crut pas devoir permettre au notaire mettre tape à bord, qu'elle n'avait guère vu que deux fois, trois peut-être, chez M. Delorme, de l'accompagner au théâtre. Elle aurait volontairement essayé de se compromettre qu'elle n'eût pas agi autrement. Aussi bien, je vous prie de croire que je l'ai sérieusement secouée. Vous ne devinerez jamais ce qu'il m'a répondu, alors avec une belle tranquillité. J'aurais été vraiment navré de manquer une aussi chic occasion d'entendre le Verdier dans la Traviata. Et voilà bien de son audacieuse inconséquence. Delbon n'apprécia pas. Il revivait par sa mémoire fidèle cette soirée de l'opéra. Il était à côté de Méhara. Le rideau allait se lever, elle était apparue. Car c'était bien elle, il en était sûr maintenant. S'imaginait-il alors qu'elle prendrait une telle place dans sa vie? La bonne dame continuait. « Voici le revers de la médaille, mais l'avers. » Elle s'interrompit. « Je vous ennuie peut-être avec ces bavardages. » Il s'arracha à sa rêverie, esquissa un vague geste de protestation, murmura distraitement. « Je vous en prie, continuez. » « L'avers est tout autre. Vous le savez peut-être, maître Tapabore Boeuf. Or, ne s'est-il pas avisé de s'éprendre de Simone ?» Après une pause, elle rectifia. « Ou peut-être plus exactement, de ce qu'elle peut représenter d'espérance du fait de cet héritage. « Probable, » certifia Delbon. Madame Leroy expliquait. « En tout cas, il s'en est ouvert à moi et m'a fait miroiter sa situation, sa tendresse. À mon tour, j'en ai saisi Simone. « Ah ! Et qu'a-t-elle répondu ?» interrogea Delbon, curieux. « Ma foi que pour se marier, il n'écouterait que son cœur. Cela me paraît judicieux. Tout le monde ne pense pas comme nous. Et lorsque j'ai signifié son échec à notre notaire, il s'est subitement souvenu que je me trouvais redevable d'une centaine de mille francs envers la succession de Delorme. Comment cela? Mon Dieu, un don que spontanément m'avait fait votre excellent homme de grand-père pour nous aider à édifier notre petite institution. Maître Tapabore lui prétend que cet argent ne nous fut remis qu'à titre de prêt et qu'il en a la preuve formelle entre les mains. Le sale bonhomme, il vous poursuit? Non, il nous menace, simplement. Il serait bien en peine, en effet, de nous envoyer du papier timbré. C'est juste. Et dans ces conditions, vous le recevez tout de même ? Qu'allait répondre Madame Leroy ? À quelles bizarres alternatives sont donc soumises nos destinées ? Il lui suffit d'un mot, d'un seul, pour éveiller la méfiance latente du jeune ingénieur, et pour qu'il enveloppât peut-être d'un même soupçon le notaire, l'abdante Madame Leroy et le petit chaperon rouge. Heureusement que la réponse de la directrice de l'école ne témoignait d'aucune gêne. Mais oui, en apparence du moins, il n'y a rien de changé dans nos relations. Il nous a même encore rendu visite hier soir. Il tire de temps à autre d'ailleurs sur la ficelle du vieux pantin, avec le secret espoir qu'il finira bien par le mouvoir un jour ou l'autre. Avant-hier, il m'a déclaré que si ma pupille consentait à l'épouser, on s'arrangerait pour les 100 000 francs de la dette. Il en est des malhonnêtes gens comme du reste de l'humanité. Le souci de leurs intérêts leur obscurcit l'intelligence, fit Delbon. Leurs plans ténébreux sont un peu comme les souterrains de ma demeure. Ils doivent finir par se perdre dans leur dédale. Madame Leroy se mit à rire. Ah, c'est vrai, vos souterrains. Mais savez-vous qu'ils sont dans le cas de ce champ dont parle le bonhomme dans sa fable, un trésor est caché dedans. L'ingénieur hocha la tête. C'est bien caché que j'ai beau faire. Point ne l'ai encore trouvé. Madame Leroy rit plus fort. Vos efforts, en tous les cas, ne seront pas complètement perdus. Encore quelques petites recherches, et le secret de la construction n'aura plus de mystère pour vous. Les mânes de votre bon grand-père seront certainement satisfaites. Combien de fois l'ai-je entendu déclarer ? Ah ! Si le malheur en veut de moi, ce qu'à Dieu ne plaise, il faudra bien que mon Henri se cantonne dans l'architecture.